Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec Phil Desgagnés du Canadien de Montréal. Salut Phil. Salut Annie. Phil, Canadien, déjà plus de victoires que l'an passé en match sur concours. T'sais, on dit tout le temps des matchs sur concours, c'est des matchs sur concours. Sauf que ça donne quand même un certain ton. C'est sûr qu'il ne faut pas partir en peur, là, mais surtout pas partir en peur. Mais est-ce que, de ce qu'on peut voir, l'attitude semble meilleure, par contre? Ben, je pense que l'attitude, ça, il n'y a aucun doute, elle est meilleure. Ça, je pense qu'on le voit très, très bien dans le comportement. Juste la réaction et les points de presse de Claude Julien. On voit un gars qui semble plus à l'aise, semble beaucoup plus heureux de travailler. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement dans les matchs au concours qui ont des postes à gagner ou des postes à perdre. Alors que l'an passé, on n'avait peut-être pas cet élément-là. Maintenant, on l'a cette année. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Tata, Pekka, là, Ward qui est arrivé. Donc, Wallet, Després, c'est tous des gars qui ont des postes à gagner avec le club. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que l'intensité dans les matchs en concours va être beaucoup plus grand. Et on le sent très, très bien. Et on le sent également dans la façon que Claude Julien parle de ses joueurs, la façon qu'il aborde les matchs. Et même si c'est des matchs en concours, ça demeure quand même que l'esprit est meilleur. C'est plus facile de t'entraîner quand la veille, t'as connu une bonne performance, que les joueurs ont connu également des matchs intéressants, qui voient également la possibilité de faire le club plutôt que tourner dans la Ligue américaine. Et moi, ce que j'aime également, c'est de voir les jeunes joueurs du Canadien, tu sais, leur premier choix de cette année, ils démontrent beaucoup de belles aptitudes comme joueur de hockey. Oui, il est pas prêt pour la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on mette de la chair autour de l'os, là, parce qu'il est pas très, très gros. Mais on sent que, je le regardais faire des passes, la tête dans les airs, il devine qu'est-ce qui va se passer, il prévoit quelque chose. Donc, moi, je pense que quand même, il y a beaucoup d'intérêt de ce côté-là, et je trouve ça intéressant de voir ce que le Canadien a performé dans les premiers matchs. OK. Donc, mais Phil, moi, je trouve que les deux derniers repêchages ont été bien meilleurs aujourd'hui. C'est ça, tu regardes... C'est parce que quand tu repêches en première, par deuxième ronde, que tu repêches en cinquième ronde, tes prospects vont être meilleurs. Rappelons-nous, il y a deux ans, il y avait deux choix de deuxième ronde, ils les échangeaient tous les deux. Quand t'es rendu en quatrième pis en cinquième, t'as pas la même qualité de joueur que quand t'es dans les deux premières rondes. Je pense que c'est assez clair là-dessus. On le voit très, très bien. Les joueurs de première ronde, les joueurs que le Canadien a obtenus dans les transactions également avec la formation de Las Vegas, on voit que ces gars-là ont du talent. On voit que ces gars-là sont des joueurs qui vont avoir un impact quand ils vont être prêts à jouer dans la Ligue nationale. Ça, on le voit très, très bien. Et je trouve ça intéressant de voir que, effectivement, Trevor Timmons a eu l'occasion de repêcher. Quand on arrive en troisième, en quatrième, en cinquième, on va dire, comme Roger Brulotte dit, c'est des suspects plus que des prospects, là. Donc, moi, personnellement, je vais vous donner un exemple. Chez les Saguenayens, deux joueurs qui ont été invités dans des camps d'entraînement. Et là, je parle de Kotkov puis de Groslo. Dans le cas de Groslo, il n'est même pas encore revenu. Kotka vient juste de revenir. Alors qu'il y a des premiers choix qui sont déjà de retour dans leur équipe depuis une semaine. Donc, c'est là que tu te rends compte que des fois, il s'agit d'être à la bonne place au bon moment ou d'avoir une belle invitation. Je regardais Alain hier, c'est un joueur de 20 ans, qui est un gars qui, je te dis pas qu'il va faire la Ligue nationale, mais il montrait de l'intensité, il montrait qu'il y a quelque chose également à prouver. Je trouve ça intéressant de ce côté-là. Ah non, regarde, moi, ce que j'aime, c'est de voir... Il y a moins de négativistes autour de l'équipe, là. Ouais. Hey, si, exemple, Pacioretty serait là, on ne parlerait que du contrat de Pacioretty, on ne parlerait pas de ce qui se passe chez le Canadien. On dirait, le capitaine, est-ce qu'il va être échangé, parce que ce serait une distraction. Les joueurs, t'as vu, ont remarqué une chose, ont dit, on est passé à autre chose, et l'atmosphère est beaucoup meilleure qu'elle était avant. Puis tu regardes Pacioretty là-bas, il semble le gars heureux, bien content, puis parti. Donc, moi, je pense que ça fait la peine. Déjà, je pense qu'il a déjà oublié Montréal. Oh! Écoute, Écoute, moi, ils me font rire, moi, quand je veux faire ma carrière, mais c'est là. Ils vont qu'il y a de l'argent, mais ils vont jusqu'à qu'une équipe peut gagner. Puis c'est exactement ce qui est arrivé avec Pachoretti. J'écoutais Jeff Fillion l'autre fois, puis Jeff, il en met un peu à Québec, mais. Mettons qu'il n'y a pas. C'est une image qu'il voulait mettre, là. Mais les gens de Montréal ont capoté, là, dans les sites comme dans les coulisses. Mais il dit, Montréal s'est rendu le Chibougamau de la Ligue nationale. Est-ce que tu es d'accord? Ben, écoute, il y a une chose à Montréal. Les joueurs vedettes vont dire que quand ça fonctionne, c'est une ville extraordinaire à jouer. À l'inverse, quand ça ne fonctionne pas, ça a tellement de pression que les gars ont de la misère à sortir de ça. Et ça, c'est un peu le problème de Pachoretti. J'ai hâte de voir. Là, actuellement, je regarde au camp d'entraînement, là, on n'a pas trop mis sur Jonathan Drouin. Tant mieux, laissons-les patiner, laissons-les jouer, puis parlons des autres joueurs entre-temps. Ouais. Je pense que c'est un peu ça que le Canadien veut faire. Moi, le seul point d'interrogation que je vois chez le Canadien, dans les matchs hors concours, moi, c'est vraiment la défensive. Tu sais, je veux dire, notre meilleur défenseur n'est pas là, du côté du Canadien, puis on sent que les autres, là, ont de la difficulté. Je suis pas sûr que Ben va faire l'équipe. Moi, si Ouellet, j'aime bien ce que Ouellet va démontrer actuellement. Même des prix, c'est plus compliqué un peu, mais il reste que ces gars-là pourraient, à mon avis, être moins facilement à l'avant de Ben. Aucun problème là-dessus. Ben oui. On parle de la nouvelle Ligue nationale. Jordy Ben ne fait plus partie de la nouvelle Ligue nationale. Il s'est rendu des petits défenseurs qui transportent la rondelle. Samuel Girard s'est rendu la mode, hein? Ah, c'est rendu. Ça prend des défenseurs mobiles, des gars qui transportent la rondelle, puis qui ont une première passe très habile, puis toujours en mouvement, ce qui n'est pas le cas de Ben. Donc, à ce moment-là, je pense que chez le Canadien. Moi, je pense que Ouellet, là, c'est sûr qu'il va faire le club. Oh, ouais. Després, ça risque d'être un peu plus compliqué, ou débuter dans la Ligue américaine, puis lui donner la chance de revenir durant la saison. Mais ça demeure que, dans le cas de Ouellet, c'est un choix de quoi? De deuxième ronde, je pense, à Détroit, là. Donc, c'est un gars qui performe bien. Puis tant mieux si le Canadien réussit à faire l'équipe. Puis deux, Price semble dans une bonne attitude. Moi, je pense que ça, c'est un autre point important parce que tu sais comme moi qu'un gardien de but dans une équipe comme le Canadien de Montréal joue un rôle qui est prédominant au niveau du succès de l'équipe. Mais moi, je pense que la grosse acquisition de l'année, là, ben, il n'y en a pas eu d'acquisition, là, mais la grosse acquisition de l'été, c'est Joël Bouchard. Moi, je pense que Joël va changer le développement à Laval. Ça va changer complètement ce qui n'était pas le cas. C'est sûr. Dans le cas de Joël, j'ai hâte de voir. Écoute, il a pas fait ses preuves encore. Dans le junior, il a bien performé. Il a été succès. Mais diriger des juniors, diriger des professionnels, c'est deux mondes. Tu sais, les gars, c'est le job. Dans le junior, là, ils viennent s'amuser puis ils viennent essayer de faire des preuves pour faire impressionner des pisteurs. Quand tu es rendu en Ligue américaine, c'est plus ça. Là, faut que tu progresses. Il faut que tu le montres. Comment Joël va s'adapter à ça? Moi, je pense que Joël est un homme intelligent. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qui est sûre. Dans le cas de Joël, on lui a donné carte blanche du côté de Laval. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais diriger la Ligue américaine, Phil, c'est quelque chose. Parce que le gars, il revient. Prends un gars comme Michael McCarron qu'on semble avoir perdu. Là. Oui, il y a une question de patin. Je suis bien d'accord avec ça. Mais le gars, pas fort probablement qu'il s'attendait à faire la Ligue nationale, perd la confiance et ainsi de suite. Ça prend un entraîneur qui est très, très psychologue pour, je te dirais, pour ne pas perdre ces jeunes-là. Il y a deux joueurs, il y a deux types différents de joueurs dans la Ligue américaine. Il y a des joueurs qui veulent accéder à la Ligue nationale de hockey, puis il y a des joueurs, eux autres, qui sont pas assez bons pour être en haut, assez forts pour la Ligue américaine, peut-être une fois de temps en haut, tu reviens. Ça, là, c'est motiver ces gars-là, c'est extrêmement difficile. Ils viennent ramasser leur argent, il y a une bonne paye, c'est bien correct. Mais là, t'as le jeune en bas, lui, qui veut accéder plus haut, qui veut aller plus loin. Donc, lui, il veut plus de temps de glace. Donc, ça fait une atmosphère, des fois, pas facile. Mais, dans le cas de Joël, il y a un avantage, il le fait, ce rôle-là. C'en est un qui s'est promené de la Ligue américaine, de la Ligue nationale, pas assez fort, trop fort de la Ligue américaine, pas assez fort de la Ligue nationale. Donc, il a fait ce genre de travail-là. Il sait comment les joueurs réagissent, il sait comment les joueurs se comportent. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'effectivement, dans le cas de Joël, il pourrait, je pense, bien passer dans la Ligue américaine et faire un travail intéressant. C'est un gars très intelligent. Moi, j'ai aucun doute qu'il va être capable. Aucun doute. Là. Je le connais très bien, Joël. J'ai siégé au bureau des gouverneurs de la Ligue junior-majeure avec. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un bonhomme intelligent. C'est un gars qui sait où ce qu'il va. Il sait également comment il est bon. Ça, c'est une grande qualité. Moi, quand un gars, il sait qu'il est bon, là. Puis ouais. deuxièmement, il sait que c'est lui qui est le boss. Ouais. À partir de ce moment-là, les autres joueurs, ils n'ont pas le choix, ils vont suivre, je pense, le plan que lui veut avoir. Hey Phil, en terminant, je veux te parler de Patrick Roy, sa déclaration cette semaine sur les ondes de Radio X Québec, qui est allé dire que Carey Price, meilleur gardien de but de la Ligue nationale, moi j'ai parti à rire, parce que là, moi je suis plus de l'école de Serge Savard de dire faudrait qu'un jour qu'on arrête de dire qu'il est bon, là, puis qu'il le prouve. Là. Je veux te poser une question, est-ce que Patrick prépare sa venue à Montréal? En faisant des déclarations comme ça? Peut-être pas, il y a du respect pour Carey Price, je pense que c'est une chose. Demain matin, là, la Ligue nationale de hockey fait une équipe, là, ils prennent trois gardiens, là, OK? Des gardiens qui puis disent qu'on va faire un club étoile, là. Puis moi, je suis quasiment convaincu que tous les coachs vont choisir Carey Price parmi les trois. Non, moi, je suis convaincu de ça. Cool. Parce que Price, là, il a fait l'épreuve, il a gagné une médaille d'or, il sait comment gagner, et deux, c'est un excellent gardien de but. Et moi, je pense que quand il est dans sa bulle, il est dans sa bulle. N'oubliez pas que les dernières années, le Canadien, d'abord, il a été blessé, un. Deux, il n'y a pas de défensive devant lui. Il ne faut pas se le cacher. Là. À part Weber, là, les autres, là, c'est pas fort. C'est des pieds de céleri souvent. Là. Mm. À ce moment-là, tu es aussi bon que les défenseurs qui sont devant toi. C'est comme l'instructeur au hockey. Des fois, on dit, hey, t'es tout un coach. Ben, oui, t'es un bon coach. Il y a une bonne équipe. T'as beau être le meilleur coach au monde. Là. Danny, t'as beau être le meilleur animateur, les meilleures entrevues. Si t'as pas d'antenne pour produit, là. C'est un peu ça, parce que je pense que je mériterais bien plus que d'être sur le web, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, effectivement. Hey, mais Phil, je reviens sur Price, là. Tu dis qu'il a gagné, mais écoute, je pense que Zachary Foucalé aurait gagné avec cette équipe-là. Tu sais, devant le filet, là. Avec la défensive qu'il avait. Pas sûr. La confiance que des joueurs ont dans un gardien de but fait que l'équipe joue de façon différente. Les joueurs qui jouaient devant Price savaient que Price pouvait faire le gros arrêt quand c'était le moment. À ce moment-là, ils jouent pas de la même façon. La même chose quand Roy était devant au Colorado ou à Montréal. Les gens savaient que Roy, quand c'était le temps, ou Brodeur, il sortait le gros arrêt pour faire sortir son club de la misère. À ce moment-là, les joueurs qui jouent devant lui jouent pas de la même façon. Moi, j'ai joué dans des équipes de hockey avec des fois un bon gardien, d'autres fois un gardien ordinaire. Et quand tu sais que tu as un bon gardien, tu forces plus l'attaque, tu prends plus de chances. Quand tu sais que ton gardien n'est pas nécessairement toujours très fiable, qu'est-ce que tu fais? Tu joues défensivement, tu joues plus serré, tu joues nerveusement, tu essaies de débarrasser plus la rondelle pour la sortir de la zone. Donc, c'est pas la même attitude des joueurs quand ils savent que le gardien qui est là est un gardien tout simplement un peu au-dessus de la moyenne. Mais Phil, il a pas transporté son équipe en série comme les Hachecs, comme les Rois, comme même... Oui, mais ça dépend, écoute, ça dépend de l'équipe que tu as devant toi. Tu sais, je veux dire, Roy, là, il était à Montréal avec de mes bonnes équipes de hockey. Mais Hachecs à Buffalo... Montréal depuis 4-5 ans, Danny, là, dis-moi pas qu'ils ont un bon club de hockey. Non, mais... Ils ont un marqueur de 30 buts. Mais Hachecs à Buffalo, Phil, Hachecs à Buffalo a amené quasiment un sabre à lui tout seul. Mais là, Hachecs, là, il n'a pas gagné de Coupe Stanley, là. Il était un bon gardien de but. Mais je vais te donner un exemple. Ouais. À Chicago, Crawford, personne ne le connaissait comme gardien de but, OK? Mais il y avait une équipe de hockey devant lui, puis il y avait un Big Three devant lui. Ils ont fait quoi? Ils ont gagné deux Coupes Stanley. C'est pas à cause de Crawford, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Big Three en avant, puis il y avait des marqueurs, puis il gagnait. Brodeur a gagné... quand il était au New Jersey. Mais ils avaient toute une machine devant lui, là. Tu sais, moi, je pense que les gens, là, ils mettent toujours, le gardien de but, il n'a pas transporté son club. C'est comme un coach. Les coachs, là, il y en a qui ont gagné des Coupes Stanley, puis tu dis, écoute, Barry Truss, il vient de le gagner avec Washington. Ça fait à peu près 20 ans que dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait le club devant lui cette année-là. Maintenant, cette année-là, tu vas voir ce qu'il va faire à New York, ben. Tu vas voir, il n'y a pas le même club. Il sera pas en finale de la Coupe Stanley, là. C'est toute la différence au monde, là. Moi, je pense que bon instructeur, ça prend une bonne équipe devant lui. Je suis pas d'accord, un bon gardien. Phil, on n'est pas jamais d'accord là-dessus, parce que je pense t'as beau... Moi, j'ai joué cette game-là, puis je peux te dire une chose, Danny, quand t'as un bon gardien de but, puis quand t'as des bons éléments en avant de toi, le gardien de but, il peut performer à l'aise. Okay, mais quand il sait qu'il n'y a pas les éléments en avant de lui, il peut pas faire de Je vais te parler d'un bon coach. Là, je change de sport. Bill Belichick. Moi, je trouve que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du sport. Ouais, tout sport. Il y a une meilleure carrière avec lui. Ouais, mais il y a un système. C'est lui qui a tout le système. Il y a un méchant bon système. Mais je veux dire quand même, il y a le meilleur carrière avec lui. Puis il trouve toujours de certains bons joueurs. Puis au football, la carrière, en réalité, là. C'est le gardien de but. pas comme un gardien de but. C'est lui qui il tire le ballon dans les mains des gars, là. T'sais, les gars, ils ont tous des bonnes mains. Mais si le carrière ne le tire pas dans les mains, là, c'est la différence. Mais quand tu parles du meilleur carrière, c'est pas pareil pantoute, là. Moi, c'est pour ça que je te dis, oui, Belichick, c'est un bon génie de football. Mm. Puis c'est très technique, le football, à comparer au hockey encore plus, là. Mais dans son cas, lui, il a une meilleure carrière avec lui aussi. Là. Mais je serais curieux d'avoir Belichick sans Brady. Je suis pas sûr qu'il gagnerait. Phil, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la beauté du sport. Merci. Phil, de gagner notre commentaire.